Selon les informations sud-coréennes, les habitants de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord et les bouddhistes Won ont chassé le 30 avril à l'orée du village de la commune de Soson du canton de Chosun deux camions citernes de l'armée américaine d'occupation sud-coréenne qui voulaient se rendre à l'endroit de la disposition de SAD.